Psaume 89. Ma shield étant, Israélite. Je chanterai les bontés de l'Éternel à toujours, je manifesterai de ma bouche, ta fidélité d'âge en âge. Car j'ai dit, ta bonté continue à toujours comme les cieux, tu as établi en eux ta fidélité, quand tu as dit, j'ai traité alliance avec mon élu, j'ai fait serment à David, mon serviteur, en disant, j'établirai ta race à toujours, et j'affermirai ton trône d'âge en âge, c'est là. Et les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, ta fidélité aussi est célébrée dans l'assemblée des saints. Car qui est-ce au-dessus des nues, qui soit égal à l'Éternel? Qui est semblable à l'Éternel entre les fils des forts? Le Dieu fort se rend extrêmement terrible dans le conseil secret des saints, il est plus redouté que tous ceux qui sont alentour de lui. Ô Éternel, Dieu des armées, qui est semblable à toi, puissant Éternel? Aussi ta fidélité est alentour de toi. Tu as puissance sur l'élévation des flots de la mer, quand ces vagues s'élèvent, tu les fais rabaisser. Tu as abattu Rahab comme un homme blessé à mort, tu as dissipé tes ennemis par le bras de ta force. À toi sont les cieux, à toi au ciel la terre, tu as fondé la terre habitable, et tout ce qui est en elle. Tu as créé l'Aquilon et le Midi, ta Borée Hermon se réjouit en ton nom. Tu as un bras puissant, ta main est forte, et ta droite est haute élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône, la gratuité et la vérité marchent devant ta face. Oh, que bienheureux est le peuple qui sait ce que c'est que du cri de réjouissance. Ils marcheront, ô Éternel, à la clarté de ta face. Ils s'égayeront tout le jour en ton nom, et ils se glorifieront de ta justice. Parce que tu es la gloire de leur force, et notre pouvoir est distingué par ta faveur. Car notre bouclier est l'Éternel, et notre roi est le Saint d'Israël. Tu as autrefois parlé en vision touchant ton bien-aimé, et tu as dit, j'ai ordonné mon secours en faveur d'un homme vaillant, j'ai élevé l'élu d'entre le peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de ma sainte huile. Ma main sera ferme avec lui, et mon bras le renforcera. L'ennemi ne le rançonnera point, et l'inique ne l'affligera point. Mais je froisserai devant lui ses adversaires, et je détruirai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa gloire sera élevée en mon nom. Et je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Il m'invoquera, disant, tu es mon père, mon Dieu fort, et le rocher de ma délivrance. Aussi je l'établirai l'aîné et le souverain sur les rois de la terre. Je lui garderai ma bonté à toujours, et mon alliance lui sera assurée. Je rendrai éternelle sa postérité, et je ferai que son trône sera comme les jours des cieux. Mais si ses enfants abandonnent ma loi, et ne marchent point selon mes ordonnances, s'ils violent mes statuts, et qu'ils ne gardent point mes commandements, je visiterai de verges leur transgression, et de plaies leur iniquité. Mais je ne retirerai point de lui ma bonté, et je ne lui fausserai point ma foi. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, si je mens jamais à David, que sa race sera à toujours, et que son trône sera comme le soleil, en ma présence. Qu'il sera affermi à toujours comme la lune, et il y en aura dans les cieux un témoin certain, c'est là. Néanmoins tu l'as rejeté, et l'as dédaigné, tu t'es mis en grande colère contre ton joint. Tu as rejeté l'alliance faite avec ton serviteur, tu as souillé sa couronne, en la jetant par terre. Tu as rompu toutes ses cloisons, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous ceux qui passaient par le chemin l'ont pillé, il a été mis en opprobre à ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as aussi émoussé la pointe de son épée, et tu ne l'as point redressé en la bataille. Tu as fait cesser sa splendeur, et tu as jeté par terre son trône. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, et l'as couvert de honte. C'est là. Jusqu'à quand, ô Éternel, te cacheras-tu à jamais? Ta fureur s'embrasera-t-elle comme un feu? Souviens-toi de combien petite durée je suis. Pourquoi aurais-tu créé en vain tous les fils des hommes? Qui est l'homme qui vivra, et ne verra point la mort, et qui garantira son âme de la main du sépulcre? C'est là. Seigneur, où sont tes bontés précédentes, lesquelles tu as juré à David sur ta fidélité? Seigneur, souviens-toi de l'opprobre de tes serviteurs, et comment je porte dans mon sein l'opprobre, qui nous a été fait par tous les grands peuples. L'opprobre dont tes ennemis ont diffamé, ô Éternel, dont ils ont diffamé les traces de ton loin. Béni soit à toujours l'Éternel. Amen, oui, Amen.